Alors, vous êtes sur CKRL au 89.1 et nous allons poursuivre l'émission en nous tournant vers les énergies de demain avec un sujet assez chaud puisque le gouvernement a annoncé la fermeture de la centrale Gentilly 2, mais il est d'autres sources d'énergie, d'autres sources de radioactivité que l'uranium pour exploiter l'énergie nucléaire. Il y a aussi le thorium et notre chroniqueur Philippe Rioux va nous expliquer de quoi il en retourne. Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour. Alors, oui, en effet, le thorium, c'est vraiment un sujet qui est relativement d'actualité, peut-être un peu moins connu dans les domaines qui sont pas directement liés à la production d'énergie, mais j'ai décidé de vous en parler un peu. Premièrement, comparer l'énergie nucléaire aux énergies fossiles, là, ça revient presque à comparer une pomme avec une machine à laver. C'est pas du tout la même technologie, ça n'a pas du tout les mêmes effets. Ce qu'elles ont en commun, par contre, c'est la mauvaise presse. Avec Fukushima au Japon, Tchernobyl en Ukraine, Three Mile Island en Pennsylvanie, tous des incidents nucléaires. L'industrie nucléaire n'a pas besoin d'inventer des incidents pour faire couler beaucoup d'encre et de l'encre qui sent pas bon. Pour commencer, je vais mettre l'emphase sur la quantité gargantuesque d'énergie que contient un combustible nucléaire. C'est vraiment impressionnant. Pour équivaloir à l'énergie contenue dans une brique d'uranium, vous devriez avoir 22 piscines olympiques d'essence. Ouais. C'est une quantité hallucinante de liquide. On joue ici avec l'énergie contenue dans la masse des éléments. C'est des énergies qui sont des millions de fois plus grandes que celles contenues dans les liens chimiques qu'on brise en brûlant des combustibles fossiles. La plupart des gens connaissent l'énergie nucléaire qu'on récolte à partir de l'uranium. Virtuellement toutes les centrales nucléaires actuelles fonctionnent en brisant des atomes d'uranium. Beaucoup de ces réacteurs fonctionnent à haute pression ou doivent être contenus dans des grands édifices qui sont capables de contenir la vapeur à haute pression, advenant qu'il y ait un bris. L'incident de Fukushima est justement un cas où la température du cœur est devenue incontrôlable et a provoqué le relâchement d'une grande quantité de gaz chaud qui a détruit le bâtiment. D'accord, mais ça donc c'était avec l'uranium, mais tu dis qu'il y a aussi le thorium. Alors c'est quoi le thorium? Le thorium, c'est un élément du tableau périodique. C'est un élément qui tire son nom de Thor, le dieu viking des éclairs. C'est un combustible fossile. Fossile nucléaire. Son choix de nom, comme le dieu des vikings des éclairs, pourrait vraiment avoir une nouvelle pertinence, disons, ou plutôt un lien thématique insoupçonné. Le thorium est 4 fois plus abondant que l'uranium dans la croûte terrestre, qui est vraiment pas négligeable, étant donné que l'uranium est pas si rare que ça, en fait. Moins rare que le platine et l'or, d'ailleurs. Et puis, assez facile à extraire? Y a plusieurs sources de thorium. C'est un déchet, en fait, de l'extraction des terres rares. Il y a beaucoup de gens qui se demandent quoi faire avec en ce moment. Son cycle nucléaire donne un meilleur rendement énergétique. Les déchets nucléaires qu'il produit sont en quantité beaucoup plus faibles et ont une durée de vie de seulement quelques centaines d'années comparé aux centaines de milliers d'années qu'il en faut pour dégrader les déchets de l'uranium. Un mode de fonctionnement envisagé pour les réacteurs au thorium est appelé réacteur au fluorure de thorium liquide. D'accord, donc c'est quoi ça? En fait, ce sont des sels de thorium qui sont fondus et ce système a des propriétés intrinsèques très sécuritaires. Par exemple, si le système de refroidissement viendrait à s'arrêter, le liquide chaud contenant le thorium ferait fondre un bouchon de sel qui l'amènerait vers une cavité de refroidissement dans le sol, avec un refroidissement passif. Étant donné que les réactions nucléaires du thorium doivent être encouragées par une source de neutrons externe, un emballement du réacteur est vraiment très improbable ou plutôt impossible. Mais il faut quand même que cette cavité de refroidissement soit étanche, très probablement. Oui, évidemment, mais étant donné qu'il n'y a aucune eau sous pression, le réacteur ne peut pas subir un incident semblable à Fukushima ou à Tchernobyl en Ukraine. De plus, le thorium et les sous-produits qu'il génère peuvent pas enclencher une réaction nucléaire en chaîne qui mènerait à une explosion nucléaire. D'accord. Donc, ça paraît quand même assez beau, mais pourtant, c'est pas une filière qui est développée. Pourquoi? En fait, la propriété que le thorium a de ne pas pouvoir faire d'armes nucléaires, ça a été la raison de son sous-développement dès le départ, de manière assez ironique. Il faut se rappeler que la principale raison qui a motivé les scientifiques et ingénieurs à développer les technologies nucléaires était la possibilité d'en faire des armes dominatrices. C'est ainsi que le développement s'est concentré sur l'uranium et son copain, le plutonium, qui est produit en bombardant de l'uranium de neutrons. Le thorium est complètement inutile pour faire des bombes nucléaires, mais complètement inutile. À l'époque, cette qualité était considérée comme un très grand désavantage. Ouais. Ainsi, le gouvernement américain a même enterré du thorium et comme un produit malheureux et mal aimé de l'extraction de l'uranium. Moi, je trouve ça vraiment hilarant. Comme à l'habitude, les manœuvres politiques et une ignorance générale du sujet chez les décideurs se sont ajoutées aux troubles de financement des technologies du thorium. Pour faire encore plus cliché, c'est probablement la faute à Nixon. Mm-hmm. Et mais donc, pourquoi on devrait développer le thorium plus que l'éolien ou le solaire, par exemple? Mais les technologies vertes, comme qu'on pourrait dire, comme l'éolienne et le solaire, sont vraiment en développement intensif, puis de plus en plus intensif. Cependant, une énergie nucléaire générée par le thorium a un impact quasi nul sur l'environnement, et je dirais même à toute fin pratique nul. On peut générer une quantité importante d'énergie en utilisant très peu de territoire, ce qui est vraiment pas le cas avec les énergies éoliennes et solaires. Mmh, c'est vrai. Avec les réserves actuelles rentables de thorium, on pourrait utiliser cette technologie pour 25 000 ans. Donc, c'est quelque chose à long terme à l'échelle humaine, disons. En tout cas, à l'échelle individuelle, c'est à très, très long terme. L'énergie totale que vous consommez dans votre vie pourrait être tenue dans une main. Ouais. Donc, une petite boule de billard de thorium, vous avez toute l'énergie nécessaire à votre style de vie pendant toute votre vie. La semaine passée, j'ai acheté 48 litres d'essence pour ma voiture. J'aurais de la difficulté à porter ça sur mon dos. C'était seulement pour ma voiture pour 3 semaines. Le tout a été vraiment brûlé dans l'atmosphère. Donc, c'est une grosse différence. Ouais. Et puis donc, de ce que je comprends, c'est que parce que dans l'énergie nucléaire avec l'uranium, il y a toujours ce problème des déchets qu'on ne sait pas quoi faire parce qu'ils ont une demi-vie très longue. Exact. Mais là, il y aurait moins ce problème-là avec le thorium parce que la demi-vie est beaucoup plus courte. Donc, il se dégraderait. Il y en a moins. Ouais. Et il se dégrade rapidement. Mm-hmm. Donc, okay. 500 ans, c'est terminé au lieu de quelques milliers d'années, donc c'est vraiment beaucoup moins important. Mais est-ce que c'est une filière qui est seulement théorique, étudiée par les physiciens dans les laboratoires, ou est-ce qu'il y a des recherches concrètes qui sont faites quelque part? Est-ce qu'il y a quand même des pays ou des industries qui se penchent sur cette filière? Il y a déjà eu des réacteurs thorium qu'on pourrait dire de construction classique qui ont fonctionné aux États-Unis, mais le développement s'est arrêté assez rapidement. Mais en ce moment, c'est vraiment les Chinois et les Indiens qui mènent le bal sur le front des réacteurs au fluorure de thorium liquide. Ouais. Ce type de réacteur-là a vraiment les propriétés les plus, possiblement les plus intéressantes. Le gouvernement chinois a récemment annoncé une vague d'investissements massifs concernant les technologies nucléaires au thorium. On parle d'un programme à la hauteur de 2 milliards de dollars par année et de 1200 scientifiques. On parle d'un projet sérieux ici, là. À la différence des Américains, ils y croient et c'est vraiment là toute la différence. La Chine pourrait être beaucoup plus brillante que nous et sauter du sauvage charbon au thorium en un seul bond. Le Canada a des réserves de thorium, mais pas un avantage décisif sur front. Le thorium étant disponible à plusieurs endroits sur la Terre, notamment en Chine, en Inde, mais également aux États-Unis. Donc, c'est pas un problème d'approvisionnement, mais pas du tout. Mm-hmm. À moyen terme, je suis quand même très optimiste, là. Si les Chinois réussissent à faire fonctionner cette technologie, tout le monde fera le virage et rapidement, je vous garantis. Les avantages sont potentiellement trop grands pour ne pas le faire. L'image future couverte de centrales solaires et d'éoliennes pourrait faire la place à un monde où une discrète centrale au thorium produit notre énergie dans le silence, la fiabilité et la sécurité. Je pense que c'est vraiment le moment de recommencer à croire aux dieux vikings du tonnerre. En tout cas, on va voir aussi, il faudra le voir un petit peu pour voir qui facile, mais ça, si le système fait ses preuves aussi. Oui. Mais c'est vrai que les énergies éoliennes, solaires prennent énormément de place. Donc, c'est peut-être pas forcément. On peut pas mettre des éoliennes partout, peut-être. Fondamentalement, c'est une technologie qui fonctionne. Il reste maintenant des problèmes techniques à régler et c'est ça que les Chinois vont attaquer prochainement. Mais j'ai vu que la Norvège s'y intéressait aussi. Et puis, alors du coup, on va voir qui des vikings norvégiens ou des dragons chinois vont lancer les premiers éclairs. Ouais, mais personnellement, je mets mon argent sur les Chinois. Sur les Norvégiens. Bon, alors on va voir comment que ça se déroule, puis tu nous en reparleras dans quelques temps. Oui, ça va me faire plaisir si ça fonctionne. D'accord. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous. Alors maintenant, on passe vite fait en pause musicale sur CKRL au 89.1.